Ils ont mis du fumier, ils ont épandu du fumier dans la ville à différents endroits. OK. Devine pourquoi? Ouf. Parce que j'ai été agressé hier, moi, par... Je suis allé me promener, je suis allé marcher une heure et demie de temps en ville, un peu partout, oui. Saint-Denis, Saint-Laurent, je suis allé jusqu'à Vieux-Montréal, je suis revenu à pied, je me suis promené partout pendant une heure et demie. Marche de santé, en regardant les fenêtres, ben non, j'aime ça marcher, puis ouais. J'observe. Checker ce que le monde fait. Je suis un ancien gars de filature, oublie pas, j'observe, puis je regarde ce que le monde fait, justement, comme là, je peux en parler, tu le vois? Passe-temps de plusieurs avec leur petite marche de soirée. Alors, on a épandu du fumier dans ces trois villes-là pour se débarrasser des itinérants. Ah oui? Où les itinérants se tiennent, on met du fumier. OK. Ça sent tellement mauvais qu'ils partent. OK, mais ils vont où? Une autre place. Ben oui, hey, ça, c'est régler un problème, mais, c'est effrayant. Mais ils en mettent là aussi. Mais là, hier, j'ai... Ben, tout le monde va finir par partir, là. Hier, j'ai été agressé, je sais pas combien de fois. Agressé? Oui, dans ma tête, c'est agression. OK. Moi, là, quand je marche, là, puis il y a un esti de sale, là, qui pue, là, la merde, là. Ouais, parce qu'il s'est pas lavé depuis je sais pas combien de temps. Mais non, il habite dans la rue, c'est difficile. Ok, ouais, c'est pas juste ça, mais il y a de l'argent pour s'acheter de la bière puis des cigarettes, puis un chien, puis nourrir son chien qui est avec lui, par contre, là. Ouais. Puis là, il est après toi, là, puis il veut de l'argent, là, puis tu suis, puis il marche à côté de toi, puis il t'achale. Il t'achale? Hier, je n'ai eu 10 de même. Te jure, là, juste prendre Saint-Denis à partir de Mont-Royal. Mais c'est parce que t'es une personnalité non, connue et riche. Il fonce avec tout le monde. Jusque, vous voyez, moi, je suis revenu par Saint-Laurent. Sans arrêt. Il y a même eu quasiment une bataille en deux itinérants, faut que je te raconte. Tu voulais ton cash à toi? Oui, oui, exactement. C'est moi qui vais l'argent de parquet! Oui, j'arrive au coin des Pins, puis Saint-Laurent, tu sais où est-ce qu'il y a la SEQ, là? Oh, oui, oui. Il y a toujours un de parquet devant toujours. SEQ. Bon, toujours. Tu le sais, devant la SEQ, il y en a toujours un parquet. Je le salue à tous les fois. Je donne rien, mais je le salue. Ça. Fait que là, moi, je remontais Saint-Laurent. Ouais. J'étais du côté ouest, côté de la SEQ. Oui. Et là, il y avait deux tweets qui, eux, étaient dans le milieu de la rue, puis qui vont. Quêter les gars en voiture. Oui, oui, oui. Pendant que quand la lumière est rouge, là, ils se promènent entre les voitures, il y en a partout, il y a quêté. Puis il y avait l'itinérant qui, lui, était assis sur son cul parce qu'il est trop large. Devant un sac. Devant la porte de la SEQ. Ouais. Moi, je monte sur le trottoir. Ouais. Fait que là, un des tweets qui est dans le milieu de la rue. Vient de voir. Qui vient réclamer les automobilistes, vient me voir moi. OK. L'autre qui était assis sur le trottoir, il a pas aimé ça. Parce qu'il venait prendre sa business. Ah, c'est bon. Oh, ouais, ouais. Une guerre territoriale. Là, il s'est levé de son cul. OK? Là, il a commencé à engueuler l'autre puis traiter de toi et non. Ah, ben c'est bon. Tu vois, il est capable de se lever. Là, moi, je suis resté là pas loin. J'ai regardé ça. J'ai dit, la foire va pogner, la bataille va pogner. Ça va être le fun. C'est peut-être que les deux vont se péter à la tête sur le trottoir puis on va s'en débarrasser. Quelque chose du genre. On va en avoir deux de moins dans la ville. Je sais pas. N'importe quoi. Là, tu sais. Ah, non, c'est un problème majeur. Explique-moi comment ça se fait que tu vas. Explique-moi comment ça se fait que tu vas à New York puis t'en vois pas. Comment ça, t'en vois pas? Il y en a partout, des itinérants à New York. Il y en a dans toutes les villes. Il n'y en a plus à New York. Quand est-ce que la dernière fois que tu es allé à New York? Il n'y a plus d'itinérants à New York. Vas-y. Je te crois pas. Parle à n'importe qui. Impossible. Parle à n'importe qui est allé à New York au cours des dernières années. Il n'y a plus d'itinérants qui traînent dans les villes à New York. Ben, ils sont où d'abord? Je sais pas. Quoi, l'itinérance n'est plus un problème à New York? Je sais pas. Qu'est-ce que tu es en train de me dire que l'itinérance à New York, check, va faire des fouilles sur Internet, là. C'est impossible. Check. Trouve-moi des itinérants à New York. Mais Martin, l'itinérance, c'est pas quelque chose que tu peux régler. C'est quelque chose que tu peux diminuer. C'est impossible. Oui, surtout à New York, c'est la plus grosse ville en Amérique. Peut-être qu'ils leur ont trouvé des places pour se parker, pour coucher la nuit ou je sais pas quoi. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être. Je suis passé devant le Old Brewery Mission, le machin, là, hier. Bon, il y avait une gang de parkés là. Ils attendaient le lunch ou je sais pas quoi. Fait, j'imagine. Bon, mais ils étaient tous là, OK, en arrière. Là, il y a comme un stationnement en arrière. Ils étaient tous parkés sur une rampe en ciment. Là, je sais pas, ils devaient en avoir à peu près 150. Ils attendaient le lunch. Bon, OK. Mais explique-moi ça, comment ça se fait qu'à New York, on les voit plus, puis à Montréal, asti, on peut pas marcher à nulle part, on se fait écœurer par ces gars-là. Mais c'est pas parce que New York a mis du fumier, là. Non, non, je sais, je fais des farces. Ils ont trouvé des solutions différentes. C'est pas des farces que je te dis, je vais te montrer la nouvelle, là. Ouais, mais ça pour Abbotsford, Surrey, qu'est-ce c'est que tu penses de ça, là? Honnêtement. Je sais qu'on déconne un peu. Parce qu'il y a des villes qui essaient de faire des choses. Ici, à Montréal, on a l'impression qu'on fait rien. Va te promener sur le plateau, là, depuis quelque temps, là, au coin de Mont-Royal, puis Saint-Laurent, ce coin-là. Là, c'est les Inuits. Tu as remarqué que les Inuits en ville, tout partout, là? Oui, ça, c'est vrai, ça. Va au coin de Sherbrooke, puis Saint-Urbain, là, il y a une boîte, on appelle ça une chose d'autobus, là? Oui, oui. Un arrêt d'autobus. Un arrêt d'autobus, tu sais, avec une belle boîte vitrée. Oui, oui. Tu peux pas aller là, là. Ça sent tellement à pisse, là, là-dedans. Ouais, là. Ouais. C'est l'enfer. Une fois, il y avait deux policiers qui étaient là, ils les ont fait sortir. Les gars sont couchés là, ils se parquent là-dedans. C'est sûr. Ça sent à pisse, c'est dégueulasse. Mais regarde, là, tu parles de Montréal, mais regarde à Québec, il y a une dizaine d'années, c'était dans Saint-Roch. Peut-être même plus que 10 ans maintenant, parce que Saint-Roch a complètement changé le quartier à Québec. Oui. Bon, mais tu sais, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont revitalisé le secteur, Mais les itinérants, ils n'ont pas disparu. Moi, mais j'aimerais ça. Le problème, c'est juste déplacer vers Saint-Malo, Saint-Geneviève. C'est un défi que je te donne pour demain. Ouais. Va fouiller sur Internet. Tu viendras m'expliquer comment ça se fait qu'à New York, il n'y en a plus qui traînent dans les rues. Tu me crois pas? Non, mais je te crois, mais je te dis, c'est pas qu'il y en a plus à New York, c'est qu'ils sont allés ailleurs. Mais je les vois pas. Déplacé. Moi, quand je suis touriste. Non, mais tu là, vois pas partout. Martin, non, c'est mais pas quand, juste le Big Apple, New York. Wow. Quand je suis touriste à New York, là, je fais comme tout le monde, OK? C'est sûr. Je vais faire quoi, d'après toi? Ben, quelle place? Tu vas aller magasiner un peu. Ouais, je vais aller où? Dans la grosse pomme. Central Park. Central Park. Times Square. Les stades de, autour, là. Je vais aller pas loin. Les World Trade Center étaient avant. On va aller faire un tour dans ce coin-là. Broadway, puis à Fifth Avenue. Wall Street, peut-être. T'en verras jamais un. Ici, là, le touriste, il va où? Il va sur la rue Saint-Denis? Ouais, il va aller sur le boulevard Saint-Laurent? Dans le Vieux-Montréal, il en verra pas. Il va aller sur la rue Sainte-Catherine? Ben, oui. Toutes ces rues-là, là, c'est infesté d'itinérants. Ouais. Comment ça se fait qu'à New York, tous les endroits touristiques, il n'y en a pas? Puis ici, ils sont tout partout, puis ils écœurent le peuple, puis ils font chier le monde, puis ils font peur à des touristes. C'est sûr qu'ils font peur. Il y a du monde qui ont peur de ça. Faites pas dire qu'il y en a. Ah, je sais qu'il y a du monde qui ont peur, alors que, bon, c'est pas très, très menaçant un itinérant d'habitude. Non, mais c'est achalant. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est achalant. C'est achalant, mais c'est pas menaçant. Puis c'est la même affaire. Comment ça se fait qu'on a des hostifies de squeegee, là, sur le coin des rues tout le temps? Comment ça se fait que la police fait rien avec ça? Comment ça se fait que la police les laisse se promener entre les voitures? On donne des tickets parce qu'il y a... Ouais, exactement. Puis ces gars-là sont dans le milieu de la rue, puis on leur donne pas de tickets. Comment ça se fait qu'on fait rien? C'est pas vrai qu'ils se cachent. Sur Saint-Denis, là, il y en a au coin là, de Sherbrooke, partout. N'importe où. Là, moi, à toute fois, je me promène, je vois les mêmes visages. Ils ont tous leurs coins. Lorimier, Sherbrooke, quand tu vas pour prendre le pont Jacques-Cartier. Toujours le même. Tout le temps là. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font, les policiers de Montréal, à part d'être dans leur char pour faire de la graisse? Hey, les boys, réveillez-vous un peu, là. Non. Ils priorisent. Ben, moi, je suis d'opinion aussi que les gars préfèrent rester dans leur char que de sortir souvent. Moi, ils ont l'air climatisé à cette heure. Ouais, c'est vrai. En tout cas. Ça aide, là.